Les impérialistes américains recourent toujours aux provocations militaires graves contre notre République. Selon Yonhap News de Corée du Sud, ils ont envoyé le 8 juillet deux bombardiers stratégiques nucléaires B-1B dans l'espace aérien sud-coréen pour les exercices de frappe de précision contre notre République. Ce jour-là, l'escadrille des bombardiers stratégiques nucléaires américains qui ont quitté la base aérienne Anderson de l'île de Guam ont livré les exercices de tir réels visant nos rampes de fusées et ouvrages souterrains, ce dans un champ de tir dans la province du Gangwon de Corée du Sud, avec des avions de combat américains F-16 et sud-coréens F-15K. Après les exercices, ces bombardiers américains ont continué le vol à proximité de la ligne de démarcation militaire pour nous menacer.